Bonjour, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Durant l'hiver, on regarde les bonds de neige monter et pour bon nombre d'entre vous, on ne se préoccupe pas trop de savoir à quoi ressemble la neige à l'intérieur du banc de neige, ni de savoir s'il est lourd. On regarde juste les centimètres qui s'accumulent jour après jour, mois après mois. Mais sur une pente ou sur une toiture, ça peut être important de connaître quand même la composition de la neige et son poids. Et c'est ce qu'on va voir avec Karem Chokmani. Il est professeur à l'Institut national de la recherche scientifique et avec des collègues, il vient de publier une étude sur le développement d'une méthode pour estimer la densité de la neige par le rayonnement infrarouge. Bonjour Monsieur Chokmani. Bonjour Madame Levy. Alors dites-moi pour commencer, pour qu'on se situe un petit peu dans le contexte, pourquoi est-ce que c'est important de connaître l'épaisseur de la neige ou de connaître la densité de la neige ou le poids de la neige? En quoi est-ce que ça peut être important? La neige, c'est vraiment, surtout pour les pays nordiques comme le Québec ou le Canada, aussi en Europe, la Russie, même aussi dans l'hémisphère sud, c'est un élément essentiel du climat et de l'environnement physique. On l'a pour 6 mois. Ça séquestre une grande quantité d'eau, un grand réservoir d'eau. Donc, cette ressource pour l'eau potable et pour surtout l'hydroélectricité. Aussi, ça représente des dangers comme les inondations, les poids, les avalanches. Ça protège aussi au niveau énergétique. La neige, elle contribue dans le système, disons, climatique de la Terre en réfléchissant une grande quantité de lumière qui vient du Soleil. Donc, ça contribue à aux équilibres énergétiques de la Terre. Aussi, elle peut aussi isoler, par exemple, pour l'agriculture, pour d'autres choses, elle joue comme un isolant pour protéger les plantes, par exemple, les pérennes, ou les prairies, ou les laitières, toutes sortes de cultures qui vont passer, ou l'hiver, qui vont passer tout l'hiver en attendant le printemps. Donc, c'est un élément très important dans notre climat. On vit avec, il est présent partout, et il faut bien la suivre en termes de quantité, de poids et de structure interne. D'accord, donc on a besoin de savoir un petit peu comment est-ce que les bleuets sont plus ou moins, ou les champs sont un peu écrasés par quelle quantité de neige, quelle quantité d'eau il va peut-être y avoir après qu'ils vont aller alimenter peut-être les barrages hydroélectriques. Bon, c'est un petit peu tout ça. Donc, quelle est la méthode habituelle pour connaître justement cette épaisseur, ce poids de la neige dans toutes ces différentes conditions? Qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, il y a un programme des officiels du ministère de l'Environnement du Québec et aussi partout au Canada. On a des stations, on appelle site niveaumétrique. On envoie des équipes sur le terrain, ils font une ligne niveaumétrique, ça représente 10 points. Ils vont prendre une carotte. Donc, ils vont une carotteuse, un genre de tube métallique, disons, calibré dans la taille, le poids et tout ça, puis l'enfance. Il le ressort en s'assurant de ne rien perdre de ce qui a été à l'intérieur du tube. Après ça, on va peser ce tube. Ça donne le poids total. En connaissant le volume, on obtient. On parle de densité, mais plutôt c'est de la masse volumique. C'est un abus de langage, on dit de la densité. La densité, normalement, elle n'a pas d'unité, mais la masse volumique, c'est-à-dire la quantité de masse par unité de volume. Aussi, on fait une appel ça des fosses d'observation. Donc, on creuse une fosse, puis un spécialiste qui va regarder le profil, disons, vertical, puis il va noter la succession de couches, parce que la neige, puisqu'elle est déposée, s'accumule bordée après bordée, et chaque bordée, elle est soumise, disons, à l'énergie qui vient de la Terre, elle est soumise à l'atmosphère, aux précipitations, au redout. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est dynamique. Et cette dynamique, la temporelle, elle fait qu'on a une succession de couches qui ont des densités plus ou moins faibles, une quantité d'eau plus ou moins importante. Donc, ce programme de surveillance a à peu près, je pense, plus que 300 points là, au Québec. C'est des équipes qui se déplacent par hélicoptère. Donc, ils vont le faire, ils font le tour. Ils ne reviennent, à cause que c'est pas instantané, c'est pas automatique. Souvent, on a 2 à 3 semaines, ils reviennent au même point. Donc, on n'a pas un suivi. Par exemple, pour un point, on a, disons, 4 à 5 points tout l'hiver pour caractériser l'évolution de cette neige-là. Ils vont mesurer l'équivalent en eau de la neige. C'est très important, par exemple, pour la production hydroélectrique, parce que c'est ça qui va se transformer. Les apports d'eau, la plus grande composante d'apport d'eau chez nous au Québec, ça vient de la fente printanière. Il faut faire de la place. Et lorsque si on surestime, donc on vide trop les réservoirs, et puis là on a perdu du genre de la forme de l'énergie. Et si on sous-estime, donc l'eau qui arrive, il faut la laisser passer. On ne va pas la turbiner, c'est une perte. Ouais. En plus, c'est tout ce qui est le risque des inondations. Ça, c'est pour le niveau gestion. Au niveau aussi, par exemple, pour l'agriculture, c'est que tantôt vous avez dit le poids, ce n'est pas le poids qui écrase, mais plutôt l'effet isolant. Parce que c'est le couvert, plus qu'il est léger, plus qu'il y ait d'air là-dedans, plus qu'il est isolant, donc il protège les plantes en dormance de l'agressivité du froid. Et ça fait que, comme ça, ils passent convenablement l'hiver, puis ils sont prêts pour repartir la nouvelle saison au printemps. D'accord. Donc ça, c'est la façon dont on observe. De façon conventionnelle, oui. C'est ça, la façon dont on observe un petit peu la qualité du couvert de neige un peu partout au Québec. Oui. Et donc vous proposez une autre méthode qui est basée sur quoi ? Avant d'aller en autre méthode, parce que ça, j'ai parlé de la façon manuelle. Ouais. Depuis toujours, on faisait la plus sûre et la plus, disons, reconnue. Mais entre-temps, il y a des systèmes automatiques qui ont été développés. En notant surtout, par exemple, l'appareil qui a été développé par Hydro-Québec, je pense l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas, c'est un appareil qui est basé sur les rayons gamma. Mm-hmm. Les rayons gamma qui sont partout, qui viennent de partout, ces rayons gamma, ils sont atténués par l'hydrogène. Si on sait que l'hydrogène, il se trouve majoritairement dans les molécules de H2O, de l'eau, donc on peut l'utiliser comme un proxy pour estimer la quantité d'eau sur le chemin des rayons gamma. Donc, on installe un appareil, un portique, dans lequel cet appareil est blindé pour ne pas recevoir les rayonnements cosmiques de tous les côtés, juste il regarde en dessous. Oui. Et on va le calibrer pour la présence d'eau l'automne, parce qu'il y a de l'eau dans le sol aussi. Ensuite, on va suivre l'atténuation, on va la corréler avec la quantité de la masse, puis ça marche, puis on les déploie. Mais c'est ce que c'est. Tout d'abord, c'est encombrant et c'est cher, c'est autour de 30 000 $ l'appareil. Et c'est dédié, là, par exemple, des grandes entreprises comme par exemple Hydro-Québec, qui peut faire ce payer c'est des appareils-là, ou des grandes entreprises ou de la recherche, donc c'est justifié. Il y a un autre appareil, ça c'est une technologie plus européenne, basée sur la conductivité électrique là, dans un câble, qui elle change selon le milieu, dans la neige. Donc on détecte, c'est quand elle pénètre dans la neige, puis cette conductivité elle est corrélée aussi à la masse d'eau. Ça reste que deux mesures qui peuvent être en continu, mais ils donnent la densité globale, donc la masse, le poids global. Ils ne donnent pas la structure interne. Ils ne donnent pas la stratification, comme vous disiez tout à l'heure, bordée après bordée. On a des textures de neige différentes parce qu'il ne faisait pas la même température. Puis ça s'écrase plus ou moins. Donc, on a une stratification. Et donc, ces deux méthodes-là nous donnent une mesure globale, mais pas stratification, pas strate par strate. Exactement. Et surtout, lorsqu'on sait que, par exemple, pour les avalanches, cette information de la structure interne, elle est très importante parce qu'on a besoin de détecter les fragilités qui se trouvent dans les couches fragiles et puis leur importance, s'il y a un risque d'avalanche ou non. Actuellement, on le fait par modélisation. C'est encore notre façon de faire, mais ça reste de la modélisation. c'est plus ou moins bon, mais ça marche, c'est ça en fait. Oui, parce que on n'a pas d'autre chose. Ouais, parce que s'il y a une strate qui est fragile à oui. l'intérieur, elle va se, ça va désolidariser l'ensemble des couches et plouf, ça va partir, ça va glisser. Exactement, surtout qu'avec une grosse bordée lourde, tout ça, puis là, ça fragilise, puis ça peut faire déclencher des avalanches. Ah oui, d'accord. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Si on a, on s'est basé sur le rayonnement ou l'interaction de la neige au rayonnement électromagnétique à la lumière, spécialement dans l'infrarouge. L'infrarouge, c'est des longueurs d'onde, c'est un petit peu, disons, plus haut, les longueurs d'onde sont plus grandes que le visible. Le visible, il va d'à peu près de 400 nanomètres jusqu'à 650 nanomètres, donc du violet jusqu'au rouge. Nous, là, on travaille plutôt 1000 nanomètres jusqu'à à peu près 2000 nanomètres. Ça, c'est la région spectrale qui est la plus intéressante parce qu'il y a des zones d'absorption de l'eau là-dedans. Le visible, dans la partie visible, la neige, elle va rester toujours blanche. Elle va réfléchir toute une longueur d'onde très fort. Puis, elle va être aussi, s'il y a des impuretés, s'il y a des saletés, ils vont réagir aussi dans le visible. Donc, ce n'est pas la meilleure façon, la meilleure région spectrale pour observer la neige. Et ça a été démontré qu'il y a un lien entre la densité, ça c'est pas nouveau, entre la densité et la quantité réfléchie par la neige dans la lumière infrarouge. Mais le problème, cette relation, elle n'est pas unique. Parce qu'on peut trouver deux couches, disons deux couches qui ont la même densité. Une, elle est constituée avec des petits grains fins. Et l'autre avec des gros grains qui sont plus ronds, plus de la glace, qui rapprochent de la glace. Et ces deux-là, ils vont réfléchir le rayonnement électromagnétique ou l'infrarouge d'une façon différente. Mm-hmm. Autant, ils ont la même densité. Donc, il y a un problème de topologie, il n'y a pas une relation unique. Ouais. On appelle ça la raison bijective. Donc, la solution qu'on a trouvé plutôt avec mon étudiant qui vient d'ailleurs soutenir sa thèse de doctorat hier, le 6 décembre. Donc, vous comprenez, si on est en enregistrement, donc le 6 décembre 2021, il a soutenu, il est devenu un nouveau docteur. Là, donc, bravo à lui. Merci. Et bravo à toute l'équipe qui était derrière aussi pour l'aider, là, donc d'autres, notamment Anas et Alain, c'est notre chercheur dans mon équipe. Cette idée, c'est quoi l'idée? Au lieu, donc, on a deux choses qui influencent. Il y a la taille de grain, il y a la densité. La densité, c'est-à-dire la quantité d'eau qui se trouve dans cette couche. On a dit, tiens, avant d'aller essayer de relier la densité à la quantité de lumière qui est réfléchie, on va commencer par tout d'abord de dire de quel type de neige s'agit-il. Donc, on va commencer par classer ou par identifier, par le rayonnement aussi électromagnétique, la catégorie de neige. Mm-hmm. Et ensuite, on va développer pour chaque catégorie un algorithme, une relation unique dans ce cas-là, parce ouais. qu'elle s'applique juste par cette catégorie. Donc, c'est une approche à deux étapes. Elle est progressive ou adaptative. Donc, on commence tout d'abord, on identifie la classe de neige. S'agit-il de la neige fraîche? S'agit-il de la neige moyennement métamorphosée? Ou une neige de fonte, vraiment qui est très mature ou très métamorphosée? Et après ça, on va aller chercher l'équation qu'on a développée pour la spécifique à cette catégorie mm-hmm. de neige. D'accord. Donc là, je vais essayer de reprendre un petit peu pour être sûr que je comprends bien. Donc, oui. Il y a différents types de neige qui ne reflètent pas la lumière infrarouge de la même façon. Et oui. donc, selon la façon dont cette lumière infrarouge est réfléchie par la neige, vous pouvez en déduire la nature de la texture de la neige. Mais là, il y a un problème parce que des fois, c'est des textures différentes qui réfléchissent de la même façon. On peut le dire comme aussi de ce sens-là aussi. Ouais. Donc, il faudrait savoir maintenant, tout d'abord, avant d'aller essayer d'estimer la densité, ouais. de quel type de neige on met en présence. Est-ce que c'est ouais. une neige fraîche ou une neige métamorphosée, et ainsi de suite. Et donc là, vous avez échantillonné, vous avez pris des vrais échantillons de neige, puis vous avez mesuré la réflexion, la lumière la lumière infrarouge pour trouver la relation. Exactement. Donc, c'est un travail de 3 années. Donc, on a fait 3 hivers parce qu'il faut aussi des méthodes qu'on appelle ça orientées données. C'est une méthode qui on ne va pas modéliser des processus de rayonnement et de réflexion, mais on a une densité, une neige, puis on a une lumière, puis on trouve les relations, disons, empiriques là-dedans. Donc, il doit se baser sur des données. Et pour ce faire, on a développé même un carottier spécifique. Parce que vous imaginez les carottiers de la neige officielle, donc c'est des tubes. Donc on enfonce le tube et on n'a pas besoin de, lorsqu'on le vide, toute la structure elle se défait. Donc on a fait un genre de, comment on appelle ça, comme ça s'emboîte, comme une boîte d'allumettes. Imaginez la boîte d'allumettes, il y a comme un corps intérieur, et elle est ouverte d'un côté, puis un couvercle. Donc on enfonce ça verticalement. Là, et après ça, on a un système pour éviter que ça tombe. On la sort. Lorsqu'on enlève la boîte, on la sort, on dégage notre couche vraiment avec toute la couleur, toute la neige, le couvercle qui est intact, qui n'est pas perturbé. Puis on la met, on a un banc de scan, on a des caméras hyperspectrales, et on passe devant la caméra hyperspectrale à mesure le rayonnement. Et ça, on l'a fait pour 114 couches de neige. Donc, il fallait l'étudiant passer toutes l'hiver à chaque semaine, après chaque bordée de neige, il faut qu'il extraire. Après ça, il va les découper et puis peser chaque morceau, chaque partie. Puis, avec une loupe, une papier millimétré aussi, il va identifier la taille de grain, puis le classer selon la classification internationale de la neige. Et là, on dit, c'est ça, c'est tel type. Puis, on mesure son rayonnement. Après ça, on travaille sur les outils statistiques et d'analyse de données pour trouver la relation entre, premièrement, la classe, la catégorie des neiges et le rayonnement. Ensuite, on développe pour chaque catégorie une équation unique. D'accord. Et donc là, vous avez cette équation unique. Donc, est-ce que ça veut dire que maintenant, si bon, il y a des appareils pour mesurer la quantité de lumière qui est réfléchie par la neige, donc Oui. vous pointez quelque part, vous mesurez la lumière dans l'infrarouge réfléchie par la neige, et vous pouvez en déduire la texture de la neige qu'il y a en dessous? Non, ça c'est le problème parce que le rayonnement électromagnétique, ce qu'on mesure, il vient juste des couches supérieures. Ah ouais. Il faut un dispositif qui est installé, qui va scanner, qui va donc, il va, lorsque, au fur et à mesure, le couvercle s'accumule, il est installé dedans et on aménage un genre de, disons, un tube et tout ça dans lequel on a un appareil qui, ou un instrument qui va scanner, il va vraiment scanner tout le long. Donc, il faut quand même accéder physiquement mais il faut le faire à toute la profondeur du couvercle, mais le faire d'une façon automatique. Maintenant, la technologie le permet. On a beaucoup de systèmes électromagnétiques, électromécaniques qui sont très abordables, ils ne consomment pas beaucoup d'énergie, très miniaturisés, des capteurs miniaturisés, qu'on appelle ça, c'est on the shelf, comme technologie grand public maintenant, c'est vraiment très démocratisé, qui nous permet de transférer cette connaissance qu'on a fait avec de gros appareils, des caméras et tout ça, vers la conception d'un système qui est compact, automatique, qu'on peut installer par exemple sur une pente au chic-choc, puis qui va mesurer tout l'hiver, puis envoyer l'information aux gens qui s'occupent des avalanches, par exemple, ou à Hydro-Québec, ou toi, là, pour des gens qui ont un bâtiment, qui s'occupent des bâtiments commerciaux, par exemple. Ouais, d'accord. Donc, il faut quand même aller installer quelque part dans les endroits qui nous intéressent. Il faut aller Oui. installer cette espèce de sonde. Oui. Il faut quand même prendre des mesures donc à l'intérieur de la neige, mais ça va Oui. être ensuite envoyé. Il n'y a pas besoin que quelqu'un aille sur place. Les données vont être envoyées Oui. au laboratoire, en tout cas à la personne qui va Oui, recevoir ça va dans les nuages, qu'on dit, dans le les cloud, dans quelqu'un, puis il y a un serveur qui reçoit l'information. Maintenant, on a toute la technologie, on appelle ça les Internet des objets. Ouais. Donc, ils sont connectés, ils s'identifient, puis on voit le flux de données. Cette information, elle est analysée avec l'algorithme qu'on a développé, puis elle est diffusée aux usagers. Juste, je signale que Tout d'abord, nous, on a besoin encore, parce que c'est une façon orientée, disons, des approches orientées données, il faut encore mesurer d'autres, il faut vraiment collecter d'autres données, donc élargir la gamme de neige, là, qu'on voit, parce qu'on l'a fait dans notre au laboratoire d'innovation en sciences et technologies de l'environnement de l'INRS, au Parc technologique de Québec. Il faudrait qu'on aille dans des neiges, par exemple, sur la toundra, on a la neige au milieu alpin, la neige en forêt, parce que le comportement et les catégories de neige sont plus fréquentes. On a observé surtout les catégories de neige qui sont très métamorphosées, on ne les a pas vues beaucoup, parce qu'on est dans un système un petit peu protégé là, dans en ville et tout ça. Donc, Non, il y a d'autres types, autrement dit, il y a d'autres types de neige à aller analyser. Les oui, neiges. pour ajouter à la base de données, parce que c'est des systèmes d'apprentissage machine, c'est de l'intelligence artificielle, donc il faut les documenter et les présenter au système. Oui, exactement. D'accord. En terminant, là, dans les 2 petites minutes qui nous restent, est-ce que, il est prévu un projet pilote pour tester la sonde? Exactement. Donc là, on est en train de préparer des demandes de subvention aux bailleurs de fonds pour préparer ce prototype et c'est pour multiplier aussi les prises de données pour mieux documenter comment on appelle ça, la neige et surtout tester ce concept dans des conditions réelles pour l'ajuster pour que ça marche parce que un appareil est soumis au vent, il est soumis vraiment à l'environnement, il faut que ça marche là, tout ça parce qu'il y a aussi la communication, les aspects d'alimentation électrique, les aspects aussi de protéger l'équipement qui est sensible, tout ça. Donc, il y a un travail de conception qu'il faut le faire et passer à travers ça avant que ce soit un appareil qui est disponible comment on appelle ça, au commun des mortels, comment on appelle. Ouais. Très bien. Puis que tout ça soit aussi résistant aux conditions de verglas qui risquent Ah d'augmenter oui, au fil ah des oui, ans aussi. oh, ah oui, tout à fait, là, comme on a dit. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Ben, merci beaucoup, Monsieur Chokmani, pour toutes ces explications, ce travail qui est fait aussi avec votre équipe pour une meilleure compréhension de ces paquets de neige qui nous arrivent dessus et comment mieux réagir avec ces paquets de neige. Donc, merci beaucoup, Monsieur Chokmani. Merci à vous pour cette belle opportunité. Merci. Nous étions en compagnie du professeur Karem Chokmani, professeur à l'Institut national de la recherche scientifique.